À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le rassemblement de célébration des matelots du bateau du Taipei de Chine, Changhong 1, et du bateau battant pavillon vietnamien Ansinpu 8, a eu lieu le 7 courant au port de Nampon. Les participants ont déposé une corbeille de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigées à la ville de Nampon, avant de rendre hommage. À la suite des interventions, ils ont adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.